بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le lundi, le premier du mois de l'Hijja de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 19 juin 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble, inshallah wa ta'ala, cette série dont le sujet est le grand pèlerinage. On a commencé à parler de certains objectifs du pèlerinage. Et nous poursuivrons, inshallah ta'ala, aujourd'hui avec d'autres objectifs de cette grande adoration. Parmi ces objectifs, c'est le renforcement on a parlé de l'augmentation de la foi, mais c'est aussi le pèlerinage est un moyen pour renforcer la réponse aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça d'ailleurs que dans Telbiya, le slogan, la formule la plus répétée dans le pèlerinage, dans Telbiya, tu trouves que tu dis labbayka 4 fois. Labbayka Allahumma labbayk, labbayka la sharika lak labbayk, 4 fois. Et labbayk, comme on a vu précédemment, c'est une façon de montrer ta soumission et que tu réponds aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le pèlerinage, c'est un moyen de nous éduquer à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se hâter à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis la baïka, c'est tu dis oh Allah, je réponds à ton appel et je viens vers toi soumis, tout obéissant à tes ordres. Tu m'as appelé au pèlerinage et j'ai dit le bayk. Allah Azza wa Jal dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. Dans le sens approximatif, appelle les gens au hajj, ils viendront vers toi à pied ou à dos de monture et flanqué par les chemins les plus éloignés. Allahu Akbar. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les pèlerins, ils viennent des 4 coins de la planète. Ils viennent de partout pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés, ils ont répondu. Et ils lui ont demandé, il leur a exaucé, subhanahu wa ta'ala. Les pèlerins, ce sont les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il est légiféré pour le pèlerin d'hausser la voix en prononçant At-Talbiya. Sahaba radiyallahu anhum, qui sont venus avec le prophète alayhi salam de Médine, ils ont commencé At-Talbiya à partir de l'Miqat, de l'Hulayfa. Et avant d'arriver à Mecca, ils avaient plus de voix. Ils avaient la voix cassée. Tellement ils répétaient Telbiya et tellement ils haussaient la voix en faisant cela. C'est pour ça dans le hadith authentique, le Nabi alayhi salam a dit, Jibril alayhi salam est venu me voir. Il m'a dit, ô Muhammad, ordonne à tes compagnons d'hausser la voix en disant à Telbiya. Car ça fait partie des rites d'Allah. Afwan, ça fait partie des rites du pèlerinage. Min sha'a'ir al-hajj. جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. Donc التلبية elle fait partie des rites du pèlerinage qui sont aussi les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin dans le hadith les rites du pèlerinage. النبي عليه الصلاة والسلام a été interrogé qu'est-ce que c'est الحج. Qu'est-ce que c'est que Al-Hajj? Il a dit Al-Hajj wa Thajj. Al-Hajj, c'est quoi? Il l'a résumé en deux points. Il a dit c'est d'hausser la voix avec At-Talbiya et de couler le sang pour Allah subhanahu wa ta'ala, le sacrifice que fait le pèlerin quand il combine le pèlerinage et la Umrah dans un même voyage, ce qu'on appelle tamattu' ou al-qiran. Il est obligatoire pour lui de sacrifier une bête et de la donner aux pauvres de l'haram. Il a été rapporté par l'imam Tirmidhi que le Nabi alayhi sallam a dit « Ma min muslimin yulabbi illa labba » من عن يمينه أو عن من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها وها هنا. الله أكبر. Dans ce hadith, le Nabi عليه الصلاة والسلام dit, il y a pas un musulman qui fait talbiya sans que toute chose à sa droite et à sa gauche, ils le suivent dans cette talbiya et ils font talbiya avec lui, que ce soit des pierres, des arbres, toutes choses, jusqu'à la fin de l'extrémité de la terre, de ce côté-là comme de l'autre côté. Allahu Akbar. Le pèlerinage, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une occasion d'assister et de tirer profit de tous les avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés aux pèlerins. Tous les avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés aux pèlerins. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Appelle les gens au hajj, ils viendront vers toi à pied ou à dos de monture efflanquée. Ils viendront et ils viendront par les chemins les plus éloignés afin d'assister à des avantages et des profits. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, liyashhadu manafi'a. Manafi'a, c'est un mot au pluriel indéterminé. Un mot au pluriel indéterminé qui est cité dans un contexte où Allah y montre ses bienfaits sur ses serviteurs. Et dans ce cas-là, ça donne un sens général, c'est-à-dire pour qu'ils assistent à des bienfaits et des profits, des avantages dans tous les domaines, dans la religion et aussi ce qui a un aspect mondain, dunya. C'est pour ça, le pèlerinage, c'est une occasion pour tirer profit de tous ces avantages-là, que ce soit les avantages religieux ou les avantages mondains. Et ce sont des avantages et des profits multiples et variés et diversifiés. Le pèlerinage, mes frères, nous rappelle l'état des prophètes, alayhi mussalatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler pendant l'accomplissement de notre pèlerinage. À savoir que cette terre, la terre dans laquelle t'accomplis le pèlerinage, l'ont fait sur la même terre avant toi les prophètes et les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, a fait la salade dans la mosquée de l'Khayf 70 prophètes. 70 prophètes ont prié dans la mosquée de Khaif qui se trouve à Mina. Qui se trouve à Mina, une mosquée qui s'appelle Masjid al-Khaif, qui existe encore aujourd'hui, qui a été élargie. Dans cette mosquée, 70 prophètes ont prié avant toi. Donc, rappelle-toi ce point très important, que tu n'es pas le premier à faire le pèlerinage et que tu n'es pas le premier à adorer Allah sur ces terres saintes, ces terres sacrées, t'ont précédé les prophètes et les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam. Également, rappelle-toi que celui qui a construit cette maison autour de laquelle t'accomplis le tawaf, c'est Ibrahim alayhi salam. C'est Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl. Donc je disais, rappelle-toi, le constructeur de cette Kaaba, il y a une divergence, il y a des savants qui disent que ceux qui ont construit la Kaaba pour la première fois, ce sont les anges. Et Ibrahim alayhi salam, il l'a reconstruite. Il y en a qui disent que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba pour la première fois. En tout cas, Ibrahim, il n'y a pas de doute qu'il a construit également Al-Kaaba, avec son fils, avec l'aide de son fils, Ismaïl, alayhi salam. Et aussi, après que tu termines ton tawaf, tu vas faire deux rak'at derrière le maqam de Ibrahim, la station de Ibrahim. Rappelle-toi que Ibrahim, quand il a construit les murs, il est monté, il a demandé à son fils de lui ramener une pierre, il est monté dessus, afin de voir est-ce que les murs sont égaux en hauteur? Et il a laissé la trace de son pied sur cette pierre. Donc ça, c'est Maqam Ibrahim également. Quand tu bois Zamzam, rappelle-toi l'histoire de cette eau bénie, la meilleure eau sur terre. Et aussi, Sa'i bayna Safa wal Marwa, quand tu fais les allers-retours entre les deux monts, de Safa et de Marwa, rappelle-toi, c'est en lien avec Zamzam, rappelle-toi l'histoire de Hajar, l'épouse de Ibrahim alayhi salam, cette femme croyante, cette femme qui a placé toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Ibrahim l'a ramenée dans cette région de Mecca, il l'a laissée là-bas avec son fils Ismaïl. Il n'y avait personne dans cette région-là. Et elle ne lui a pas dit, imaginez-nous à notre époque. Comment on va agir? Est-ce qu'on va le faire? Et comment notre femme va réagir face à cela? Lakin, cette femme, elle n'a pas dit plus. Est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné? Il a dit oui. Elle a dit, donc, il ne nous abandonnera pas. La ilaha illallah. Cette confiance qu'on a besoin de travailler et d'augmenter cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Arafat, quand tu es sur la terre de Arafat, le jour de Arafat, le Nabi alayhi salam a dit, Kounu ala masha'irikum, fa innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim. Il a dit aux gens, tenez-vous à vos rites du pèlerinage, car vous êtes sur un héritage de votre père Ibrahim. Ces rites, c'est les rites d'Ibrahim alayhi salam. Et le Nabi alayhi salam a dit, la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dit moi, ainsi que tous les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ça, c'est une invocation qui a été dite par le prophète Aïssa al-Salam dans cette journée de Arafah et par les prophètes avant lui, et personne n'a dit mieux que cette invocation. C'est une invocation qui est aussi une évocation, car toute évocation est une invocation et pas l'inverse, comme on a vu précédemment. Aussi, quand tu lapides les stèles, rappelle-toi de l'histoire de ces stèles. Quand Ibrahim alayhi salam lui a été ordonné de sacrifier son fils et de l'égorger, et qu'il s'est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parti vers l'endroit où il lui a été ordonné de le faire, et Shaytan l'a suivi afin de le faire revenir sur sa décision et sur son obéissance et le faire désister. Et à chaque fois, quand il se présentait, il le jetait avec cette pierre, il le lapidait de cette manière. C'est ce que nous on fait. On lapide les stèles et on suit la sunna de notre père Ibrahim alayhi salam. Mais il ne faut pas croire que Iblis, il est là-bas, il t'attend pour que tu lui jettes des pierres. On suit la sunna de notre père Ibrahim alayhi salam. Lakin, tu lapides Shaytan. Tu ne le lapides pas physiquement, sauf s'il y a un Shaytan qui passe par là, au moment où tu jettes la pierre. Lakin, tu le lapides dans le sens moral, en obéissant à Allah et en suivant la sunna de notre père Ibrahim alayhi salam. Amma physiquement, non. Aussi, l'histoire de cette bête que tu vas sacrifier dans le cadre de ton pèlerinage. Et que nous qui faisons pas le pèlerinage également, on fera, inshallah ta'ala, cette bête et ce sacrifice qui te rappelle le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, de son fils Ismaïl alayhi salam, et qui a été racheté par cette grandiose bête qu'Allah lui a fait descendre, comme Allah Azza wa Jalla dit, wa fadaynahu bi dhibhin azim. Nous rachetâmes Ismaïl par une grandiose bête sacrificielle. Donc ça, c'est après sa soumission qu'Allah l'a racheté et l'a rançonné. Toujours en te rappelant l'état des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le premier d'entre eux, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi que tous ces prophètes et tous ces messagers, ils sont des frères en Allah. Ils ont appelé au même message, l'unicité d'Allah, et de vouer à Allah un culte exclusif. Tous ils ont appelé à cela. Leur législation n'étaient pas les mêmes. Chaque prophète avait la législation qui correspondait à son peuple et à son époque. Et par contre, la base de leur religion était la même. Tous, ils appelaient au tawhid. Comme le Nabi alayhi salam a dit, Al-anbiya u ikhwatun li'allat, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Les prophètes sont des frères dont les mères sont différentes. Et les mères, ce qui est voulu par les mères, c'est les législations. Mais leur religion est identique. C'est la base de la religion, qui est le monothéisme pur. C'est pour ça, quand tu regardes les chrétiens aujourd'hui, quel monothéisme ils pratiquent aujourd'hui? Quel monothéisme? Ils sont sur la Trinité, sur l'associationnisme, sur la religion des païens, et non pas sur le monothéisme. Et quand tu regardes les juifs, c'est la même chose. À travers le pèlerinage également, on approfondit le sens du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on travaille et on s'éduque à le suivre alayhi salatu wa sallam dans toutes nos adorations. Et qu'on adore Allah qu'avec ce qu'il nous a légiféré. Ça, tu le vois d'une manière manifeste chez les pèlerins. Ils viennent, ils posent des questions au sujet des rites, du pèlerinage. C'est quoi la sunna? Comment le Nabi alayhi salam a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Comme ça a été rapporté dans le hadith Jabir radiallahu anhu, « لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » rapporté par l'imam muslim, « Prenez de moi vos rites du pèlerinage. » Et regarde cette parole qui a été prononcée par Umar radiallahu anhu et qui montre ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a embrassé la pierre noire, il a dit par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni être nuisible ni profitable. Et si j'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je l'aurais pas fait. Rapporté dans les deux authentiques. Ça, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tawhid. Avec tawhid. Et regarde aujourd'hui combien de personnes qui se disent musulmans sur terre et qui croient que autre qu'Allah peut nuire ou apporter le profit. Alors que ça, ce sont les noms d'Allah et ce sont les attributs d'Allah. An-nafi'u ad-dar. Et si la Umma, tous ensemble, ils se mettent tous ensemble, pour te nuire dans une seule chose, ils ne pourront te nuire qu'avec ce que Allah a décrété. Et s'ils se mettent tous ensemble pour t'apporter un profit, ils ne peuvent t'apporter que le profit qu'Allah t'a décrété. C'est pour ça notre devoir, frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wa salam, et de suivre sa sunna et sa tradition, et d'être en parfait accord, avec sa guidée, dans toutes nos adorations. Ça, c'est pas spécifique au pèlerinage. À travers le pèlerinage également, le croyant, le pèlerin, il se distingue des associateurs et des mécréants. Ils se distinguent d'eux dans leurs actes et dans leurs propos et dans tous leurs égarements. Les associateurs, avant le prophète alayhi salatu wassalam, ils faisaient le pèlerinage. Mais ils faisaient le pèlerinage et ils faisaient telbiya. Ils venaient à la station de Arafat et Muzdalifa. Ils faisaient tout ça. Mais ils étaient dans un égarement évident. Naam, ils étaient dans un grand égarement. Quand tu regardes leur telbiya, elle comportait du shirk. Labbayk Allahumma labbayk, illa sharikan huwa lak. Labbayk la sharika lak, illa sharikan huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak. Comme on a vu. Il disait labbayk Allah, et après il disait, tu n'as pas d'associé, sauf un seul. Et c'était Hubal. Il parlait de Hubal, la première statue qui a été introduite dans la péninsule arabique. Également, quand il déferlait de Arafat, il le faisait avant le coucher du soleil. Et dans notre religion, on le fait obligatoirement après le coucher du soleil. Regarde comment le Nabi alayhi salam, il s'est distingué d'eux, dans Telbiya. Il est venu avec telbiya de tawhid. Il s'est distingué d'eux quand il déferlait de Arafat. Il est resté jusqu'au coucher du soleil, obligatoirement. Et aussi, quand il quittait Muzdalifa, le Mash'ar al-Haram, la station sacrée, eux, ils le faisaient directement après le lever du soleil. Et eux, ils le faisaient après le lever du soleil, le mushrikin. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il le faisait un tout petit peu avant le lever du soleil. Quand le soleil, il commence à devenir jaune. Yani, un petit moment avant le lever du soleil. Genre 20 minutes, quelque chose comme ça. Les associateurs n'accomplissaient jamais de umra pendant les mois du pèlerinage. Les mois du pèlerinage, Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, ils ne faisaient jamais l'umra dans ces mois-là. Car ils voyaient que l'umra dans ces mois-là était une déviance et une dépravation et un égarement. Et le Nabi alayhi salam, il a fait les quatre umra qu'il a fait dans sa vie pendant les mois du pèlerinage. Pendant les mois du pèlerinage. La première qu'il a fait, c'est l'umra de l'Hudaybiyah. Il a fait en l'an 6 de l'Hégire. Et la deuxième, c'est l'umra de l'Qada. Quand il est revenu l'année suivante. L'année 7 de l'Hégire. Et la troisième, c'est celle qu'il a fait après la bataille de Hunayn, qu'on appelle Umrat al-Ju'rana ou al-Ji'rana. Il l'a fait en l'an 8 de l'Hégire. Toutes ces Umrah ont été faites dans le mois de Dhul-Qa'da. Le mois de Dhul-Qa'da. À l'exception de la dernière Umrah qu'il a fait dans son pèlerinage d'adieu, il l'a fait bien évidemment dans le mois de Dhul-Hijjah. Donc le croyant, il doit être fier de sa religion, fier d'être guidé dans l'islam, fier de cette ni'ma immense qu'Allah lui a accordée. Il ne doit pas avoir honte d'être un musulman. Et il doit se distinguer des ennemis d'Allah et ne pas leur ressembler, car celui qui ressemble à des gens, il fait partie d'eux. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Et le Nabi alayhi sallam a dit: la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' wa ba'an bi ba' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Donc le Nabi alayhi sallam nous a mis en garde contre le suivi de ceux d'avant nous, les juifs et les chrétiens. Et malgré ça, il a dit que dans cette communauté, il va y avoir des gens qui vont les suivre empan par empan, coudé par coudé, et même s'ils entrent dans la grotte ou le trou d'un lézard, il y en a qui vont les suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Ils disent que le trou du lézard est puant, est noir, est rempli d'obstacles. Et ça ressemble à un labyrinthe. Afin d'esquiver ses ennemis quand ils le suivent dans son trou. Et en plus, il vit en général dans son trou avec des scorpions et des insectes venimeuses et dangereuses. Et malgré cela, s'il rentre dans ce trou-là, il y en a dans cette communauté qui vont les suivre. Yani le suivi aveugle. Quand tu trouves aujourd'hui des muslimines qui fêtent Halloween, qui fête la nouvelle année, qui fête la naissance de Jésus, tout ça, yani que même dans la religion des chrétiens, ce sont des innovations et des égarements. Et juste parce qu'ils les font, tu vas trouver des musulmines qui fêtent ces choses-là. Et le Nabi alayhi salam a dit, comme Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith, il a dit: la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun takunu fihi al-qulub qulub al-a'ajim. Naam. Le Nabi alayhi salam a dit: viendra une époque pour les gens où les cœurs seront, les cœurs des gens de l'islam seront comme les cœurs de ceux qui n'ont pas de compréhension. Ceux qui n'ont pas de compréhension. Yani, l'a'ajim, ce sont les noms arabes. Et ce qui est voulu, c'est ceux qui n'ont pas de compréhension. Yani, il fait salat, mais il comprend rien de sa religion. Il comprend ni tawhid, ni l'essence de ce qu'il dit. il ne sait pas ce qu'il dit. Yani, c'est l'islam des traditions et des coutumes. Il a trouvé ses ancêtres sur une pratique, il les suit sur la même pratique. Également, le pèlerinage, comme on l'a déjà mentionné, mais c'est un point très important, il n'y a pas de mal à le répéter, c'est la concrétisation des liens de fraternité et le renforcement des relations entre les musulmans à travers le pèlerinage. Quand tu vois des musulmans qui viennent de partout et qui se retrouvent dans cette période et qui font connaissance entre eux et qui s'entraident et qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, ils se retrouvent dans une adoration et ils se séparent après la fin de cette adoration. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour mentionner tous les points qui relie les musulmans entre eux, il a dit Ala inna rabbakum wahid, votre Seigneur est unique, votre Père est unique, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni de mérite pour un non-arabe sur un arabe, ni de mérite pour un blanc de peau sur un noir de peau, ni l'inverse, qu'avec la piété. Est-ce que j'ai transmis, ils ont dit, le messager d'Allah a transmis. Et les musulmans, ils se retrouvent dans cette grande adoration sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerinage, c'est également une occasion pour travailler nos comportements et améliorer nos mœurs et nos coutumes et nos habitudes et acquérir les meilleurs des bons comportements. Naam, le pèlerinage est semblable à une école, à une formation pour l'amélioration du bon comportement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait pendant le pèlerinage, il disait « Ayyuhan nas, as-sakina tas-sakina » Il leur ordonnait la sérénité, d'être serein et de ne pas se bousculer. Ça fait partie des bons comportements. Il a dit, à côté des stèles, il a dit, « La yaqtul ba'dukum ba'da » Ne vous faites pas du mal les uns aux autres. Et fais attention à tes frères. Ne les bouscule pas, ne les pousse pas. Et il a dit également, Ala ukhbirukum bil mu'min, ça il l'a dit dans le pèlerinage d'adieu. Il a dit Ala ukhbirukum bil mu'min, ne vous informais-je pas qui est le croyant, al-mu'min man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim. Le croyant c'est celui dont les gens se sentent à l'abri par rapport vis-à-vis de lui par rapport à leurs biens et leurs personnes. Tu sais qu'il va pas te voler tes biens. Il va pas te faire de mal dans ta personne, il va pas te tuer. Ça, c'est le croyant. Et c'est un degré supérieur au degré de le muslim. C'est pour ça qu'il a dit, wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Et le muslim, c'est celui dont les muslimines sont préservés du mal de sa langue et de sa main. Ça, c'est un degré inférieur. Mais c'est un degré minimum afin d'avoir des bonnes relations entre les musulmans. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar radiyallahu anhu, il lui a dit, « Ya Omar, innaka rajulun qawi, la tuzahim ala al-hajari, fatu'dhi al-da'if. » Allahu Akbar. Il lui a dit, « Oh Omar, t'es un homme fort. » Omar, c'est un homme très costaud. Physiquement, il était très fort. Radiyallahu anhu. Il lui a dit, « T'es un homme fort. » Ne bouscule pas les gens en voulant toucher ou embrasser la pierre noire, et ainsi tu vas faire du mal aux plus faibles, aux plus démunis parmi les musulmans. Dans le pèlerinage, nous voyons le juste milieu de l'islam, qui se trouve entre l'exagération et le laxisme. dans l'islam, l'islam c'est la religion du juste milieu, dans laquelle il n'y a ni exagération, ni laxisme. Et le juste milieu, il faut comprendre ce point. Le juste milieu de l'islam, c'est l'islam comme il a été révélé, comme il a été pratiqué par le prophète alayhi salam. Ce n'est pas l'adapter à ton époque, au pays où tu vis. Le juste milieu de l'islam, c'est l'islam authentique comme il a été révélé. C'est ça le juste milieu, dans lequel il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de laxisme non plus. C'est ça le juste milieu de l'islam. Je dis ça car il y a des gens qui pensent que le juste milieu, yani Allah a ordonné par exemple de laisser pousser la barbe, lui il va la tailler, il va laisser la moitié. Il dit ça c'est le juste milieu. Ça c'est faux. Le juste milieu c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le juste milieu dans le hijab, c'est de se couvrir. Et non pas de porter un petit foulard sur la tête, parce qu'il y a des sœurs, des muslimas, qu'Allah nous guide et les guide, qui ne couvrent pas du tout leurs cheveux. Donc cette sœur-là, elle se dit, moi je vais être dans le juste milieu, je vais porter un petit foulard avec un pantalon. Ça c'est le juste milieu. Nous lui disons, ça c'est faux. Le juste milieu, c'est l'islam comme ça a été pratiqué par le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons. L'alcool c'est haram, l'eau est autorisée. Le juste milieu c'est de mettre la moitié-moitié dans un verre, moitié de vin, moitié d'eau. Ça c'est pas un juste milieu, ça c'est un égarement. Le juste milieu c'est l'islam comme il a été révélé et comme il a été pratiqué par le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons, radiyallahu anhum tous. Et ça se manifeste quand Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la matinée de l'Eid, il lui a dit de lui ramasser des cailloux. Et il lui a montré la taille des cailloux à ramasser. Il lui a dit, ramasse des cailloux de cette forme-là. Et qu'elle ne soit pas plus grosse. Et sois en garde contre l'exagération, car ce qui a fait périr les gens d'avant vous, c'est l'exagération. C'est pour ça, il est demandé de prendre pour lapider les stèles des cailloux qui ont la taille entre le pois chiche et qui sont plus petits que la fève, plus grandes que le pois chiche, plus petites qu'une fève. Et ça, c'est le juste milieu. Et c'est ça les cailloux. Plus petit que ça, ça s'appelle pas un caillou. Et plus grand que ça, ça s'appelle pas non plus un caillou. C'est une pierre, ou là un rocher, ou là. Le dernier point, inshallah ta'ala, point très important dans toute adoration, qui est une grande adoration du cœur. Et face à laquelle beaucoup de gens sont insouciants. Toujours se rappeler ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, de t'avoir permis d'être avec ces muslimines sur cette terre pendant cette période afin d'accomplir cette grande adoration. Ça, c'est une ni'ma immense. Et le fait d'être sensibilisé à cela est une grande adoration. Et Shaitan, en général, il nous éloigne de cette adoration du cœur en nous rappelant les dépenses, ça m'a coûté tant, j'ai payé tant, la fatigue, les épreuves, ils nous ont promis tel hôtel, j'ai pas trouvé. Et il perd son temps dans des futilités comme ça. T'as payé tout cet argent pour faire le hajj. Pas pour venir discuter, polémiquer. Profite de chaque instant. Donc, rappelle-toi cette ni'ma sur toi. Ni'ma, toi qui ne fais pas le hajj, rappelle-toi ni'ma de tawhid, ni'ma de salah. Pour la sœur, elle se rappelle ni'ma qu'Allah a fait d'elle, une femme pudique. Ça, c'est une ni'ma immense. Si la sœur, elle voit en elle qu'elle a la pudeur, et si elle n'a pas la pudeur parce qu'elle a été élevée d'une manière à ne pas avoir cette qualité, ça se travaille. Le bon comportement est de deux catégories, inné et acquis. Inné, c'est un comportement avec lequel tu nais. Tu ne fais pas d'efforts, t'es créé, Allah t'a créé avec la pudeur. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu cette ni'ma, donc ils vont devoir faire des efforts. Faire des efforts pour avoir ce bon comportement qui est la pudeur. Elle s'habitue à être pudique, notamment en fréquentant les sœurs pudiques et en s'éloignant des sœurs qui s'exposent et qui vont vers les gens, vers les hommes. Elle s'écarte de ces sœurs-là. Et elle soit avec des sœurs qui ont cette qualité. Elle étudie les mérites de la pudeur, les moyens de l'acquérir, et ainsi de suite. Elle fait des causes. Et elle aura un grand mérite en ayant cette qualité. Donc, on doit toujours nous rappeler les nombreux bienfaits d'Allah sur nous. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. On ne peut même pas compter les bienfaits d'Allah sur nous. Tellement ils sont nombreux. Alors, comment les remercier ? Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam, il lui a permis d'être un musulman, et qui se conduit à la lumière de son Seigneur, est-il pareil au mécréant qui ne croit pas en Allah et qui n'a dans son cœur que la noirceur et les ténèbres et la mécréance et l'égarement? Sont-ils semblables? Bien évidemment non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, malheur à ceux dont le cœur endurci délaisse les vocations. Malheur à ceux dont le cœur endurci délaisse les vocations d'Allah. Ceux-là sont en plein égarement. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous préserve de cela. Voilà, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous arrêtons ici. Et dans le cours de demain, inshallah ta'ala, nous allons commencer par la jurisprudence du pèlerinage. Inshallah, qu'Allah nous accorde la sincérité et la bonne intention dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, et nous maintenir sur cette religion jusqu'à prendre notre âme sur tawhid et sur la sunna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.